إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc, alhamdulillah, aujourd'hui, on commence le cours numéro 46 dans l'explication de l'Arba'un al-Nawawiyyah, Sharf al-Arba'un al-Nawawiyyah, Sharf al-Arba'in al-Nawawiyyah. Et donc, on est rendu aujourd'hui au hadith numéro 36. Hein, on a presque terminé le livre. Donc, le hadith d'aujourd'hui, c'est selon Abi Huraira, un Abi Huraira, radiyallahu anhu, parle, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخر من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui facilite pour un musulman un des malheurs parmi les malheurs de cette dunya, une difficulté parmi les malheurs de cette dunya, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter ou l'épargner d'un grand malheur au jour parmi les malheurs du jour de la résurrection. Donc tu fais ça à un moumin, Allah subhanahu wa ta'ala il va te le faire au jour de la résurrection. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et quiconque facilite à quelqu'un qui est en difficulté Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter dans la dunya et dans l'au-delà. Donc quelqu'un que tu connais qui a une difficulté, tu l'aides, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faciliter dans cette dunya et dans l'akhira. Ensuite, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quiconque couvre un musulman, hein, il le recouvre, il le couvre quand il l'a trouvé en train de commettre un péché, hein, et bien Allah subhanahu wa ta'ala va le couvrir dans la dunya et dans l'akhira. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala continue à aider son serviteur tant que le serviteur aide son frère. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quiconque marche sur un chemin dans lequel il recherche de la science, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter une voie vers le paradis. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et il n'y a personne qui se réunit dans une des maisons parmi les maisons d'Allah pour réciter le livre d'Allah et pour l'étudier entre eux, excepté que ils sont la sakina, c'est-à-dire la paix, la tranquillité descend sur eux. Ils sont recouverts de la miséricorde. Ils sont entourés par les anges. Et Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui, auprès de ceux qui sont avec lui, parmi les anges. Et quiconque a été là à faire les actes, alors ses liens de parenté ou son origine ou son nasab, c'est-à-dire sa lignée, hein, son origine, sa généalogie, ne pourra rien faire pour lui, ne pourra pas précipiter pour lui quoi que ce soit de bien. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par Muslim, puis on va expliquer chaque phrase de ce hadith. Chaque phrase de ce hadith, une par une. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant ce hadith en détail. Il dit, هذا الحديث كأنه مقابل للحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله نهى عن الخصال الذميمة. وهذا أمر بالخصال الحميدة. فلذلك جعله المصنف بعده. وهذا من فقهه رحمه الله. يعني بعد أن تتصف بالصفات المذكورة في الحديث الذي قبله الواجب عليك أن تتصف بهذه الصفات الحميدة بدل أن تتصف بالصفات المذكورة في الحديث الذي قبله الواجب عليك أن تتصف بهذه الصفات الحميدة. Donc le Cheikh explique que ce hadith là, quand on le lit, on a l'impression qu'il vient face à face ou exactement en ligne avec le hadith qui a suivi précédemment. Le hadith qu'on a lu dans les derniers cours, les deux derniers cours, c'est un hadith dans lequel il y a la mention de certaines caractéristiques blâmables, certaines caractéristiques dans un être humain qui sont mauvaises. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de posséder ou d'agir selon ces caractéristiques-là. Dans le hadith qu'on est en train de lire aujourd'hui, on voit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ordonne aux musulmans d'acquérir des caractéristiques qui sont louables et qui sont bonnes. Et donc c'est par opposition au hadith qu'on a mentionné ou qu'on a expliqué la semaine passée, qui interdisait des caractéristiques blâmables. Et c'est pour ça que l'auteur du livre, l'imam al-Nawawi, il l'a placé de cette manière-là dans le livre. Il l'a placé justement après l'autre hadith, et ça fait partie de sa compréhension, rahimahullah. C'est pour montrer qu'il a voulu expliquer les caractéristiques qui sont blâmables, et tout de suite après mentionner des caractéristiques du croyant ou du musulman qui sont louables pour qu'il puisse, après avoir compris ce qui est mauvais comme caractéristique, adopter les caractéristiques qui sont bonnes. Et ensuite, le cheikh il dit, et donc, c'est comme s'il disait, au lieu d'avoir ces caractéristiques-là qu'on a mentionnées dans le hadith qui est précédent, c'est obligatoire pour toi d'avoir celles qui sont mentionnées ici. Parmi les caractéristiques mentionnées, le cheikh il les énumère une par une. Il dit, Al-Oula, قوله من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة تنفيس الكربة عن أخيك تنفيس الكربة عن أخيك إذا وقع أخوك في كربة من مال أو غيره فإنك تنفس عنه والتنفيس التوسعة يعني توسع عليه الضائقة المالية أو تطرده أو تتصدق عليه والضائقة غير المالية كأن يكون في هم وغم فتسري عنه وتفرحه وتدخل السرور عليه فإذا فعلت ذلك نفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة لأن الجزاء من جنس العمل فأنت ستقع في كربة يوم القيامة فإذا كنت في الدنيا نفست عن أخيك نفس الله عنك يوم القيامة ووسع لك. Le Cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne comme première caractéristique le fait que celui dans la dunya le croyant, le musulman, qui a aidé son frère lorsqu'il avait un malheur, une difficulté, et il lui a allégé ce malheur-là, il l'a allégé dans son malheur, alors Allah subhanahu wa ta'ala va l'alléger au jour de la résurrection, en lui enlevant un malheur parmi les malheurs du jour de la résurrection, ou une des difficultés parmi les difficultés de l'au-delà, hein, du jour de la résurrection. Donc il explique que le fait d'enlever à ton frère un des malheurs, hein, ou un malheur quelconque, ou une difficulté quelconque, hein, c'est-à-dire que si tu vois que ton frère a une difficulté financière ou autre, eh bien, tu essaies de l'alléger, hein, tu essaies de lui donner du lousse, de l'espace, hein, pour qu'il puisse se sentir moins étroit, moins à l'aise, plus à l'aise financièrement, moins à l'étroit, hein. Donc, soit que tu vas lui prêter de l'argent, ou soit que tu vas lui donner en sadaqa, tu vas lui faire une charité ou le monde, tu lui donnes un peu. Comme ça, il va se sentir plus, hein, à l'aise, hein, dans sa difficulté, il va pouvoir respirer un peu. Et si c'est une difficulté qui est autre que financière, eh bien dans ce cas-là, tu vas l'aider dans d'autres choses. Comme par exemple, si il n'est pas en difficulté économique, mais il a juste des soucis, hein, des angoisses ou des problèmes, hein, dans sa tête, dans son cœur, hein, il y a des choses qui le troublent ou qui le dérangent, eh bien tu essaies de faire rentrer en lui la joie, la gaieté, hein, du fait que tu vas essayer de lui parler d'une manière pour le faire oublier sa difficulté, lui faire oublier ses soucis, hein, lui faire oublier ses angoisses et sa tristesse ou sa peine, des choses de ce genre. Et donc, lorsque tu fais ça à un musulman, à un croyant de cette dunya, tu lui facilites une des difficultés de cette dunya, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, il va t'enlever une des difficultés et un des malheurs qui arrivent au jour de la résurrection. Donc, comme on dit en arabe, al-jaza min jins al-amal. C'est-à-dire, la rétribution, elle correspond toujours à l'action. Tu vois? Si tu fais le bien, tu reçois le bien en retour. Si tu fais le mal, tu reçois le mal en retour. Donc, yani, le cheikh, il dit, si tu arrives dans une difficulté au jour de la résurrection, eh ben, si tu as été bon avec ton frère dans cette dunya et que tu l'avais aidé et que tu lui avais facilité quelque chose dans cette dunya, tu as facilité ça pour ton frère, eh ben, Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, il va faire de même avec toi. Il va te faciliter les choses. Hein? Et on peut dire la même chose aussi, en fait, pour quelqu'un qui aurait rendu les choses difficiles pour son frère, dans cette dunya, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la même chose au jour de la résurrection. Wa alaykum salam wa rahmatullah. T'as rendu la vie difficile à quelqu'un, parmi tes frères, Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, hein, il va te faire la même chose peut-être. Hein, donc il faut faire attention à ça. Qawluhu, wa man yassara ala mu'tirin, yassara Allahu alayhi fi dunya wa l'akhirah. وكذلك المعسر الذي عليه دين ولا يستطيع سداده فإن كان الدين لك فإنك إما أن تنظره إلى وقت آخر وإما أن تسقط عنه الدين قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم فإما أن تنظره إلى أجل آخر بدون أن تزيد عليه وإما أن تسقط عنه الدين وهذا أحسن وهو من التيسير على المعسر هذا إذا كان الدين لك أما إذا كان الدين لغيرك فمن التيسير عليه أن تساعده بما يسدد دينه أو يخففه عنه لشيخ البيت. Et ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne comme caractéristique que celui qui facilite à son frère qui est en difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter dans cette dunya et dans l'au-delà. Donc, le cheikh explique. Si tu vois ton frère qui est en difficulté, dans le sens qu'il a une dette, et il n'est pas capable de la payer, sa dette, alors, si la dette, elle est envers toi, c'est-à-dire qu'il doit, il te doit de l'argent, soit tu vas lui donner un autre délai, jusqu'à ce qu'il soit capable de le payer, parce que au délai prévu, il n'a pas pu te payer. Donc tu lui donnes un autre délai, tu lui prolonges ça, tu lui prolonges son terme, pour qu'il soit un peu plus à l'aise. Hein, tu lui avais donné par exemple 3 mois pour payer, arrivé à 3 mois, tu vas avoir pour chercher ton argent, il ne peut pas payer. Il dit, je suis vraiment dans la difficulté, là je ne peux pas te payer en ce moment, j'ai pas d'argent. Eh bien, et dans ce cas-là, tu dis, ok, après, il n'y a pas de problème. Je te donne encore 3 mois, prends ton temps pour me payer, il n'y a pas de problème. Quand tu as l'argent, tu me le redonnes. Ou bien, tu lui enlèves complètement la dette. Tu lui dis, et après, t'en fais pas, je te donne l'argent. Tu peux t'es pas obligé de me le remettre, c'est un cadeau de ma part. Hein? Je te le donne, ça d'accord, c'est correct, tu ne me dois plus rien. Ça c'est une autre possibilité, qu'est-ce que tu peux faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit justement dans Surat al-Baqara, le verset 280, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et si la personne à qui tu as prêté de l'argent est en difficulté, alors laisse-lui un délai jusqu'à ce qu'il soit à l'aise. Fanaziratun ila maysara, yani jusqu'à ce qu'il ait de la facilité pour payer. Tu lui laisses un délai. Wa anta saddaqu khayrun lakum. Mais de donner en sadaqa, c'est mieux encore. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala était en train de dire, laisse-lui un délai, mais si tu lui donnes la sadaqa pour qu'il te doit rien, qu'il te doit plus rien après, c'est encore mieux. Hein? Donc, ça c'est l'attitude du mu'min, comment il facilite pour son frère. Hein? Donc le cheikh il dit, soit tu lui donnes un autre délai, ou bien, yani, tu lui donnes un autre délai sans lui rajouter à la somme ou au montant qu'il te doit, contrairement à ce que font des gens qui ont peu de foi, qui acceptent le riba, ou bien des kuffars aussi, comme les juifs, les chrétiens et les autres, qui travaillent avec du riba, qui prêtent de l'argent avec riba, et qui n'ont pas de gêne, et qui n'ont pas de honte. Hein? Le pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils prêtent de l'argent aux gens avec riba. Et puis après, quand la personne a de la difficulté et que le délai arrive pour payer, au lieu de leur dire, ah, vous êtes en difficulté, on va vous donner un autre délai pour quand vous allez être capable de payer, non, ils augmentent le montant et en plus, ils augmentent parfois même le taux d'intérêt pour que la personne s'augmente et en dette encore plus et qu'il s'endette encore plus. Hein? Au lieu de lui faciliter, il lui rend l'affaire plus difficile encore. Hein? Donc ça c'est l'injustice. L'injustice de ces gens-là, comment ils mangent l'argent des gens et en sont sans gêne. Et tu les vois dans le métro et dans les centres commerciaux, ils offrent cette carte et ils donnent un cadeau en échange. Hein? Ils offrent cette carte, ils donnent un cadeau avec, si tu remplis la feuille. Et ils le donnent à qui? Aux étudiants et aux gens qui travaillent, mais bon, peut-être quelqu'un ne gagne pas beaucoup, ils lui donnent quand même. Puis la personne, elle commence à s'endetter. Après, il est pris là-dedans, il ne peut plus s'en sortir facilement. Donc c'est ça le piège. Ah non, ça c'est un fléau, et le pire, tu sais le pire là-dedans, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai remarqué, Allah Musta'an? C'est que beaucoup d'entre les personnes qui travaillent pour faire la promotion de ces cartes, eh bien ce sont des musulmans, dans les centres commerciaux, tu les vois comme ça, offrir cette carte-là aux gens. Hein? Allah Musta'an. Il y a un frère, je discutais avec lui en France, il me donnait des exemples, il me disait plein de contradictions dans lesquelles nous on vit parfois les musulmans. Allah Musta'an. On dit, tu vois, les musulmans, on sait tous que l'alcool c'est haram. Hein? Mais quand c'est par exemple la récolte des raisins en France, lorsqu'ils vont faire le vin, Ils appelaient ça les vendanges. Mais qui est-ce qui travaille là-dedans? C'est les musulmans. Hein? La récolte du tabac dans certains pays, c'est les musulmans. Mais beaucoup de choses comme ça, c'est des affaires. Les gens, ils disent, oui, l'alcool, il n'y a pas de doute, c'est haram. Mais quand l'argent rentre, des fois, on oublie. On se laisse distraire par l'argent. On perd la notion. Donc, ça, c'est très important. En passant, juste un rappel du fait que nous, un musulman, en réalité, donc, un kafir, quand il travaille, il cherche un travail, il se pose pas de questions dans le sens est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram, est-ce que c'est moral, est-ce que c'est immoral, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Il se pose pas de questions. Yani, le travail est là, on prend le travail, on travaille, on fait de l'argent, c'est ça qui compte. Le musulman, non. Le musulman, il doit se poser la question, pour quelle compagnie je travaille? Cette compagnie, qu'est-ce qu'elle fabrique? Est-ce qu'elle fabrique des choses halal? Est-ce qu'elle fabrique des choses haram? Est-ce qu'elle vend des choses haram? Hein? Est-ce que je suis pas en train de collaborer avec des gens qui désobéissent à Allah et qui encouragent à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Hein, donc tout ça c'est important de le prendre en considération, surtout à notre époque. Et à cause du fait que on a pris ces choses-là à la légère, eh bien maintenant le mal et le péché, il s'est introduit. Alors, même dans les pays musulmans. Il y a un frère dernièrement qui m'a appelé d'un pays musulman. Il vit dans un pays musulman. Il m'a appelé, il me dit, dans mon pays, il y a des supermarchés et ils vendent de l'alcool. Donc il m'a dit, est-ce qu'on doit acheter dans ces supermarchés-là ou bien on doit aller dans un autre supermarché? Hein? Parce qu'il y en a qui vont des fois acheter de la nourriture. C'est des supermarchés grande surface. Donc les gens ils vont là-bas pour acheter toutes sortes de marchandises. Toutes sortes de nourriture, pas pour acheter de l'alcool, mais il y en a qui vont pour acheter de l'alcool. Donc, ça crée une fitna, ça crée une chose là. Les gens ils savent pas, est-ce qu'on a le droit d'y aller ou non, hein? Surtout dans un pays musulman. Et ben c'est ça, donc ils vont me parler de ça, je dis ça. Je dis, en principe, si les musulmans ils disaient, bon, ce commerce, c'est un commerce de musulmans, dans un pays musulman, et ils vendent de l'alcool, on va contacter le responsable de ce commerce, on va lui écrire, ou bien on va lui parler pour lui dire que ce qu'il fait c'est haram, pour lui rappeler que c'est haram de faire ça. S'il arrête, tant mieux, s'il n'arrête pas, c'est tant pis pour lui. C'est aujourd'hui, on a fait notre devoir, on lui a ordonné le bien, on lui a interdit le mal, on lui a fait la nasiha, hein. On lui rappelle le bien. Ensuite, maintenant, yani, s'il y a d'autres supermarchés où il n'y a pas d'alcool, c'est mieux d'aller là-bas que d'aller dans celui-là. Hein? Parce que tu l'encourages si tu vas acheter chez lui. Maintenant, si tu lui expliques, tu lui dis, écoute, soit vous cessez de vendre de l'alcool ou bien on ne vient plus chez vous, et que les musulmans adoptent cette attitude-là, par la suite, et quand il va voir que les gens ne viennent plus chez lui, il va enlever l'alcool de son magasin. Hein? Donc ça c'est un exemple. Donc en ce qui concerne la dette, comme on disait, on ne rajoute pas de la dette à la personne parce qu'il n'a pas payé à temps. Sinon c'est le riba. Et le riba, c'est les prêts sur les intérêts sur les prêts qu'on fait. Que ce soit les prêts bancaires ou les autres prêts. Hein? Et donc, tout ça, c'est des choses haram. Donc, soit tu lui donnes un autre délai, si tu ne lui rajoutes pas de rien à payer de plus, ou bien tu lui enlèves complètement sa dette. Et ça, c'est meilleur encore. Et ça, ça fait partie de faciliter les choses pour quelqu'un qui est en difficulté. Hein? Ça, c'est lorsqu'il a une dette envers toi. Mais s'il a une dette envers quelqu'un d'autre, eh bien, dans ce cas-là, tu lui facilites en l'aidant à payer cette dette envers cette personne, ou bien en lui diminuant ta dette. C'est-à-dire, tu lui donnes l'argent pour qu'il la paye au complet, comme ça il lui reste plus rien à payer de dette, ou bien, eh ben, tu lui donnes une partie de la dette. Et qu'est-ce qui est bien, des fois, qu'est-ce que tu peux faire? Au lieu de lui donner l'argent pour qu'il paye sa dette à cette personne, si tu sais à qui il doit de l'argent, et tu connais le montant, tu vas le voir toi-même, et puis tu lui donnes l'argent. Tu lui dis, ça y est, j'ai payé. La dette que tu devais à un tel, c'est réglé, tu ne dois plus rien. Hein? Comme ça, c'est réglé déjà, il ne doit plus rien. Hein? Ça, c'est des choses que quelqu'un peut faire pour son frère, pour lui faciliter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait ça à quelqu'un dans cette dunya, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter à lui dans cette vie et dans l'autre. Hein? Donc, mashallah. Et il dit ensuite dans la suite du hadith, « وَقَوْلُهُ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ هَذَا ضِدُّ الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ الَّتِي سَبَقَ النَّهْيُ عَنْهَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ فَإِذَا رَأَيْتَ عَلَى أَخِيكَ نَقْصًا فِي دِينِهِ فَبَادِرْهُ بِالنَّصِيحَةِ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فَرُبَّمَا يَكُونُ جَاهِلًا أو غلبته نفسه أو الشيطان فأنت تنصحه وتبين له فيما بينك وبينه سرا وتستر عليه ولا تفضحه في المجالس وعند الناس. Le Sheikh explique que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit ensuite, et celui qui a couvert un musulman, Allah subhanahu wa ta'ala va le couvrir dans cette dunya et dans l'au-delà. Et ça, c'est le contraire de al-riba et al-namima, c'est-à-dire de parler dans le dos et de répandre des rumeurs à propos de cette personne-là. Et on a expliqué dans le hadith précédent que ça, c'est une chose qui est interdite. Donc, tu vois ton frère qui a une défaillance ou un problème dans sa religion, il a une faiblesse dans sa religion. Alors, précipite-toi pour lui donner le bon conseil, entre toi et lui en privé. Tu vas le voir puis tu lui dis en privé. Et tu sais pas, peut-être que c'est une personne qui savait pas qu'est-ce qu'elle faisait, c'était haram. Ça arrive des fois. Tu vois quelqu'un en train de faire quelque chose, et tu le vois, tu t'en vas lui parler, tu lui dis, Ari, est-ce que tu savais que cette chose-là que tu es en train de faire, ça c'est haram? Ari, taqillah, ça c'est pas correct. Hein? Attention, Ari, c'est pas bon. Hein? Donc ça c'est des choses importantes. Peut-être que la personne ne savait même pas, tu vas lui dire ça, elle va dire, ah, vraiment, je savais vraiment pas que cette chose-là c'était haram. Hein? Et là, après, elle va abandonner cette chose. Ou bien, elle a été prise par la passion, les désirs, le shaitan qui l'a, yani tenté, puis il s'est laissé aller. Alors tu lui rappelles, il dit, ah, ça c'est pas correct, cette chose-là, ça c'est mauvais pour toi et c'est haram. Créer Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Et la personne dit, barakallahu fiqh, jazakallahu khayran akhi, yani, vraiment j'ai eu une faiblesse, shaitan, il a eu le dessus sur moi, mais, que Allah me pardonne, etc., etc., je vais arrêter ça, hein. Quelqu'un comme ça, alhamdulillah, tu fais un bien, lorsque tu le vois, mais, tu lui donnes le nasiha, mais tu vas pas aller dehors après, voir les gens dire, j'ai vu tel frère, il était en train de faire ça, il était en train de faire ça, il était en train de dire ça, hein. On l'a vu à telle place, avec telle personne, il était en train de faire le haram. Si tu fais ça, alors ça sert à rien. Là, tout ce que tu avais fait de bien, de lui donner le nasiha, de le corriger, de lui donner le bon conseil, là, tu es en train de le détruire maintenant, de le salir maintenant, hein. Et ça, c'est mauvais. Donc, toi, tu dois donner le bon conseil à ton frère, et tu dois lui rappeler le bien, hein. Et, les ulama, ils ont expliqué justement un point à ce sujet-là. Quand est-ce que c'est bien de cacher son frère? Quand est-ce que c'est pas bien de cacher son frère? Parce que c'est pas une règle, absolue dans toutes les situations. Il y a des cas où ton frère, tu dois le couvrir et le protéger, hein, et ne pas dévoiler ses péchés aux gens. Ça, c'est dans les cas où c'est un musulman qui est connu comme étant quelqu'un qui est pratiquant de l'islam, qui craint Allah, qui s'éloigne des péchés, qui fait des efforts pour être un bon musulman, tu le vois, hein. dans sa pratique, c'est quelqu'un d'honnête. Tu le trouves en train de commettre quelque chose de haram ou de faire un péché. Hein, c'est comme un frère, il me rappelle au début quand on était converti à l'islam. Hein, il disait, le frère qui nous donnait les cours au début, il dit, tu rentres dans la mosquée, tu trouves un frère en train de voler dans la boîte de la mosquée. Il n'y a personne, juste toi et lui. Là, tu l'as jamais vu faire des choses comme ça. Tu le vois, tu lui parles, tu dis, ah, qu'est-ce que tu fais? Tu vois l'argent de la mosquée? Haram! Hein, c'est grave ce que tu fais. Crée Allah! Là, il dit, ah, c'est vrai, astaghfirullah, j'ai fait ça, je m'excuse, j'ai fait quelque chose de mal, je me repens à Allah, et puis, je ne peux plus jamais faire ça. Tu vois que c'est quelqu'un qui a des remords, qui est gêné, qui est mal à l'aise et tout. Hein? Celui-là, tu le couvres. Peut-être même si tu lui donnes de l'argent. Tiens, tu dis, hey, au lieu de prendre la mosquée, tiens, prends ça. Moi, je te donne. Et en plus, tu lui dis, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu viens me demander, moi, je vais t'aider. Hein? Il se fait comme ça. Mais sinon, si c'est quelqu'un, tu le vois en train de faire ça. Et puis, quand tu l'attrapes, tu le vois, tu dis, Yahri, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mêle-toi de tes affaires, je fais ce que je veux, hein. Et puis après, il dit, je le prends si je veux. Il dit, Yahri, c'est haram, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ouais, et puis, hein, tu vas m'empêcher, hein. Donc, celui-là, c'est pas la même chose. Celui-là, tu le dénonces. Tu vas voir le responsable de la mosquée, tu vas leur dire, et lui, je l'ai vu en train de prendre. Surtout si tu l'as pris, si tu l'as vu plusieurs fois faire ça, si tu l'as vu deux fois, trois fois, quatre fois, à chaque fois tu lui dis, il le refait encore, là tu dois faire en sorte que les gens soient avertis. Hein? C'est pas la même chose. Ou bien, les ulama ont mentionné, ou bien quelqu'un qui fait son péché public, qui montre ça à tout le monde et qui n'est pas gêné. Il n'a pas de gêne ou de mal, de remords ou quoi que ce soit de ça. Pour lui, c'est pas grave. Il s'en fout. Celui-là, oui. Tu peux parler de lui, tu peux mettre en garde les gens par rapport à ce qu'il fait pour que les gens soient avertis. Hein? Et pour que les gens prennent une leçon de lui. Hein? Pour que les gens sachent que lui, c'est quelqu'un de mauvais et qu'ils ne vont pas commencer à imiter son comportement. Donc dans des cas comme ça, oui. Mais dans d'autres cas, hein, comme le cas de quelqu'un qui fait une erreur, il est tombé dans le péché, hein, celui-là tu le couvres. Tu ne vas pas dire à tout le monde, qu'est-ce que ton frère a fait comme péché. Parce que dans ce cas-là, c'est grave. Hein? C'est comme si tu l'as dévoilé devant les gens. Maintenant, il y en a comme le professeur Anselme, il a dit, celui qui le couvre, son frère, Allah va le couvrir dans cette vie et dans l'autre. Donc, couvre ton frère. Couvre ton frère si tu veux que Allah te couvre au jour de la résurrection. Hein? Et ce n'est pas comme certains qui utilisent ce hadith-là pour défendre les gens de bid'a. Hein? Les gens qui appellent à la bid'a ou qui appellent à des idées d'égarement, hein, qui appellent soit au takfir ou qui appellent par exemple à des idées de soufia ou bien des croyances de chizbiya ou des choses de ce genre, tu mets en garde contre eux. Si tu peux mettre en garde contre eux parce que tu sais que c'est des gens qui appellent à une bid'a ou à des égarements, tu mets en garde contre eux. Tu ne vas pas le couvrir, celui-là. Hein? Tu lui donnes tu as donné la nasiha à la personne, tu lui as parlé, tu lui as expliqué ses erreurs, et il persiste, il est arrogant et fier, il ne veut pas revenir à la vérité. Tu mets en garde tes frères contre cet individu-là. Ce n'est pas quelqu'un qui accepte. Hein? Et donc, tu avertis contre lui, ça ne rentre pas dans ces choses-là. Parce que c'est une autre catégorie, ça rentre pas dans cette catégorie-là. Ensuite, donc le cheikh il dit, peut-être c'est une personne qui est ignorante. Peut-être la personne ne savait même pas ce qu'elle a fait, que c'était haram. Et j'ai déjà vu des gens comme ça, ils faisaient des choses. Il y a un homme que je voyais à la mosquée régulièrement, lui il n'a pas appris la religion comme il faut. Il vient, il commence à prier. Hein? Au Canada, il commence à prier. Dans son pays, il n'a jamais prié. Hein? Il pratique, mais il n'a jamais appris. Pendant là, il vivait avec une femme. Et cette femme, il n'était pas marié avec elle. Et quand je lui ai expliqué, ça c'est le zina, c'est haram. Il a dit, ah, je ne savais pas. Il dit, moi je pensais le zina, c'est quand quelqu'un est marié, puis il va aller avec une femme alors qu'il est marié. Il va avec une autre femme qui n'est pas sa femme. Il dit oui, ça c'est le zina aussi, mais ça aussi c'est le zina. C'est-à-dire, il y a le zina pour la personne qui est mariée, c'est plus grave, mais aussi le zina pour la personne qui n'est pas mariée, ça aussi c'est grave. Ça aussi c'est un péché. Même si c'est moins grave que celui qui est marié, c'est quand même un péché. Donc ça c'est un exemple. Et donc tu lui expliques. Et après quand il a su, il a cessé ça. Il s'est marié par la suite. Ça c'est des cas exceptionnels. En général, les musulmans ils savent ça, ces choses-là. Mais il y a des cas où tu peux trouver des gens, ils ne savent pas. Le cheikh il dit ensuite, donc tu le couvres ton frère, entre toi et lui. Tu ne vas pas lui faire la honte devant tout le monde. Le gêne devant tout le monde, lui faire la honte. Ça c'est pas correct. قوله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه هذا عام فإذا أعنت أخاك بأي نوع من أنواع الإعانة فيما يحتاج إليه فإن الله يكون في عونك يعني يعينك لأن الجزاء من جنس العمل فإذا كنت تريد أن يعينك الله فإنك تعين أخاك أو إخوانك بما تقدر عليه من المال أو الجاه أو غير ذلك. الشيخ الذي الله سبحانه وتعالى ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم dit et Allah سبحانه وتعالى il aide son serviteur tant que son serviteur aide son est dans l'aide de son frère. Le cheikh il dit ça c'est général. Si tu aides ton frère, peu importe dans quelle sorte d'aide que tu lui donnes, dans une aide qu'il a, de quelque chose qu'il a besoin, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'aider toi aussi. Il va t'aider toi aussi parce que la rétribution correspond toujours à l'action et au geste. Si tu fais le bien, tu reçois le bien. Si tu fais le mal, tu reçois le mal. T'aides ton frère, Allah t'aide. Donc si tu veux qu'Allah t'aide, alors aide tes frères selon ce que tu peux avec ton argent, avec ton niveau, ton statut, ou bien d'autres choses que tu peux avoir avec ta science, avec ton temps, avec par exemple, t'as des choses que tu sais faire, tu peux les aider par ces choses-là, aide-les, t'es bon en informatique, tu connais bien les ordinateurs, c'est tes frères, des choses comme ça, قوله ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما يعني العلم الشرعي الديني أما سلوك الطريق للعلم الدنيوي فهذا مباح ولكن سلوك الطريق للعلم الشرعي هذا مشروع قد يكون واجبا أو مستحبا وسلوك الطريق يشمل الطريق الحسي بأن تسافر وترحل لطلب العلم ويشمل الطريق المعنوي بأن تقرأ وتحفظ وتتفهم النصوص من الكتاب والسنة هذا سلوك لطريق العلم شراء الكتب النافعة القراءة فيها والتأمل فيها ودراستها على العلماء هذا من سلوك الطريق لطلب العلم وهو طريق معنوي الشيخ الذي ensuite et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ensuite et quiconque marche sur un chemin dans lequel il va rechercher une science, le cheikh al-Fawzan il dit ici on parle de la science de la sharia, la science religieuse, en ce qui concerne de marcher sur une voie ou un chemin pour apprendre la science de la dunya, ça c'est correct, c'est permis, c'est quelque chose qui est moubah, mais c'est pas équivalent à chercher la science du ilm shara'i, du ilm de l'islam, du ilm de la religion, du ilm de la sharia, ça c'est quelque chose qui est ordonné et légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala, soit que c'est obligatoire ou recommandé par la sharia d'apprendre la science de l'islam.

au lieu de parler du tawhid et de l'iman et des preuves que Allah subhanahu wa ta'ala c'est du seul qui mérite d'être adoré pour réfuter les mouchriquines, les chrétiens, les juifs et les autres qui adorent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils se basent sur des trucs de miracles, ils se basent sur les théories des kuffars pour essayer d'interpréter le Coran. Donc ça c'est grave, hein. Les sahaba ils sont cru au Coran, et les gens qui sont venus après ils ont cru au Coran, ils n'ont jamais étudié des trucs de science pour savoir est-ce que c'est vrai ou non. C'est pas ça qui détermine la foi de quelqu'un. Il y a des gens qui sont des koufars, qui ont étudié la science moderne et qui adorent des idoles. Ils ont des doctorats, des PhD, des maîtrises dans toutes sortes de sciences modernes. Ils adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire que quelqu'un il connaît la science qu'il est protégé de l'égarement. C'est pour ça que je dis la science qui est mentionnée dans ce hadith, c'est la science de la charia, comme le cheikh il le mentionne dans le sharh lui-même. Effectivement. Non, c'est sûr, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné les miracles pour guérir les gens. Isa alayhi salam, ça c'est des miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de faire, de guérir des gens. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi, et d'autres prophètes aussi, ils ont eu ces miracles-là. Donc le cheikh ensuite il dit, donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit de suivre un chemin, de marcher sur un chemin dans lequel on va acquérir de la science, de l'islam et de la religion, il dit, soit on parle d'un chemin réel, dans le sens que tu vas voyager, tu vas quitter l'endroit où tu vis, et tu vas aller dans un autre pays, une autre ville, un endroit où il y a des ulama, pour que tu puisses étudier avec eux la religion, et que tu apprennes, donc ça c'est une signification du chemin en question, et ça peut également comprendre le chemin symbolique, ou bien disons le chemin abstrait, dans le sens que c'est une manière d'acquérir la science, c'est-à-dire par la lecture, par la mémorisation, dans le fait d'essayer de comprendre les textes du Coran et de la Sunna. Donc ça c'est une autre manière également de chercher de la science, c'est-à-dire que des fois tu vas voyager pour aller étudier avec des ulama, des fois tu ne peux pas voyager, donc qu'est-ce que tu fais? Tu lis dans les livres, tu écoutes des durus enregistrés, tu essaies de comprendre, en faisant des recherches, des études, et de comprendre ta religion, la parole d'Allah, le Coran et la Sunna, avec les moyens que tu possèdes là où tu es. Et ça aussi, ça fait partie de chercher, de prendre un chemin pour acquérir de la science. Soit le cheikh dit, tu achètes des livres bénéfiques, tu lis dedans, tu réfléchis à ces livres-là, tu médites sur leur sens, tu les étudies avec les ulama. Donc tout ça, ça fait partie de prendre un chemin pour acquérir de la science, pour chercher de la science. Et c'est une voie qui est abstraite. C'est pas la voie concrète de partir toi-même avec ta personne pour aller étudier. Il dit ensuite, قال سهل الله له طريق سهل الله له به طريقا إلى الجنة لأن العلم الشرعي هو الذي يبين الطريق للجنة فالعمل الصالح وترك العمل السيء طريق إلى الجنة ولن تسلك طريق الجنة إلا بالعلم الشرعي الذي تعرف به المشروع من غيره فقد تجتهد في عبادة أو في شيء وهو طريقك إلى النار لأنه ليس طريقا مشروعا ولا يؤديك إلى الجنة وإنما يؤديك إلى النار كالبدع والمحدثات والخرافات ولو اجتهدت الليل والنهار فأنت تسير إلى النار أما الطريق الذي يؤدي إلى الجنة فهو ما جاء به الرسول sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit, et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc celui qui prend un chemin, qui marche sur un chemin dans lequel il va acquérir ou chercher de la science, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter par cette voie là une voie vers le paradis, un moyen d'aller au paradis.

des choses qui n'amènent pas au paradis. Elles t'amènent en enfer, comme les innovations, les bid'ah, les mouchdathat, les khurafat, les superstitions. Même si tu fais ça jour et nuit, tu te fatigues là-dedans, hein, à la fin ça t'amène à l'enfer. Mais le chemin qui amène au paradis, c'est le chemin dans le, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué. C'est le chemin qui nous a été amené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la voie du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salafs salih, hein, selon la compréhension des salafs. Donc aujourd'hui, ceux qui veulent vous détourner de ça et vous faire comprendre autre chose et suivre autre chose, vous savez tous ce que c'est déjà un égarement. Il n'y a pas jamais de tawhid, il n'y a pas jamais d'aqida, il n'y a pas jamais des principes de base de cette religion-là, juste un blabla de philosophie et de politique. Ah mais oui, là il... Non, non, ça y est, maintenant, ils sont reconnus facilement et de toute façon, ils n'auront pas de succès. Et tout leur projet et leur plan et leur tentative est voué à l'échec. Ils ont échoué depuis des années, jusqu'à aujourd'hui, ils ont continué à échouer et ils vont continuer à échouer dans l'avenir parce qu'ils ne veulent pas suivre la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont voués à l'échec à cause de ça. Eh, na'am, l'ikhwan al-muflisoun. Les ulama, ils ont appelé muflisoun. Pourquoi? Parce que ils font toujours faillite. Ils sont toujours voués à l'échec. Hein? Le cheikh, il dit, donc, il dit, قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالله سبحانه لم يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى تقليد فلان وفلان أو للاستحسانات النفسية، وإنما شرع لنا طريقا مستقيما هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تلزم هذا الطريق فإنه يؤديك إلى الجنة قطعا. أما ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يؤديك إلى النار فاتركه. لشيخ الزي qu'il n'y a pas de voie qui peut t'amener au paradis excepté ce qui a été amené par le messager صلى الله عليه وسلم. Et Allah SWT a dit dans le verset 153 dans Surat Al-An'am, et voici ma voie droite dans toute sa rectitude, alors suivez-la et ne suivez pas les petits sentiers qui vont vous faire dévier ou qui vont vous diviser de son chemin. Et donc Allah SWT, il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas laissés à nous-mêmes pour dire on va trouver soi-même le droit chemin, on va trouver soi-même la bonne voie, non. Hein? Il ne nous a pas dit suivez un tel ou un tel, n'importe qui, non. Il nous a ordonné de suivre le chemin, et c'est le chemin qui a été amené par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors tu dois te forcer à suivre ce chemin-là toi-même, parce que c'est le seul chemin qui amène de façon certaine au paradis. Hein? Mais qu'est-ce qui est en opposition avec ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené? Alors ça t'amène à l'enfer. Alors, laisse tomber cette voie-là. Laisse tomber toute autre voie que celle qui est autre que celle qui a été ramenée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe qui, hein, a ramené une voie qui contredit celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit la voie ramenée par les États-Unis, ou la voie ramenée par la France, ou que ce soit la voie ramenée par n'importe quelle autre civilisation ou peuple ou nation, autre que si c'était basé sur le Coran et sur la Sunna, tu le rejettes. Peu importe de quelle origine, de quel pays, de quelle langue, de quelle couleur. C'est pas la couleur ou l'origine ou la langue ou la nationalité ou le lieu géographique. Qu'est-ce qui détermine le haqq? C'est si c'est dans le Coran, si c'est dans la Sunna, c'est ça qui est ta vérité, c'est ça que tu dois suivre. Peu importe qui est-ce qui te contredit. Peu importe qui est-ce qui te contredit. Donc, tu vas pas te baser sur les goûts et les compréhensions ou les idées d'un tel ou d'un tel. Non. C'est de base sur le Coran et sur la Sunna. Et à notre époque, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ils disent, ouais, mais tout le monde suit le Coran et la Sunna. Non, pas tout le monde suit le Coran et la Sunna, justement. Parce qu'il y a un verset dans le Coran, et toi tu fais le contraire de ce verset-là. Il y a un hadith dans la Sunna, toi tu fais le contraire de ce hadith. Alors comment tu peux prétendre que tu es sur le Coran et la Sunna? Non seulement ça, ce verset dans le Coran et ce hadith dans la Sunna, les salafs ils l'ont compris de cette façon. Ils ont tous été d'accord sur cette compréhension-là. Et de génération en génération, les gens ont suivi cette voie. Toi, tu ramènes quelque chose de nouveau aujourd'hui, et tu prétends que c'est ça, la voie à suivre. Sur quoi tu te bases? D'où est-ce que tu ramènes ces choses-là? Hein? De ta propre intelligence, de ta propre compréhension? Mais est-ce que tu as une certitude que cette voie amène au paradis? Elle est en contradiction avec ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené. Et cette contradiction avec ce que les salafs ont suivi et ce qu'ils ont enseigné. Alors, comment tu peux être certain? La seule voie pour laquelle tu peux être certain que ça t'amène au paradis, c'est la voie, hein, qui a été ramenée par le prophète. C'est elle que tu dois suivre. Les autres abandonnent. Laisse tomber. Hein? Le cheikh ensuite, il dit, قال صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا فيه أن طلب العلم ينبغي أن يكون في المساجد لأنها بيوت الله ومأوى الملائكة وفيها السكينة والرحمة، فينبغي أن يكون طلب العلم في المساجد لا في المخيمات ولا في الاستراحات، ولا مانع أن يكون هناك مجلس علمي أو هناك مدرسة يدرس فيها العلم، ولكن المسجد أفضل مهما أمكن أن تكون الدراسة في المسجد، فذلك أفضل. فإذا كان هناك مجلس علمي منضبط فلا بأس، ولكنه أقل أفضلية من المسجد. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني المساجد. Donc le cheikh explique que il y a pas des gens qui se réunissent dans une des maisons parmi les maisons d'Allah, c'est-à-dire les mosquées, et qu'ils récitent le livre d'Allah et qu'ils l'étudient entre eux. Excepté que le calme et la sérénité descend sur eux, et qu'ils sont recouverts par la miséricorde, et que les anges les entourent, et que Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Donc, ça nous indique, le cheikh dit, ça nous indique que la quête de la science, il faut que ce soit dans les mosquées. Hein? Parce que ce sont les maisons d'Allah, et c'est là où les anges viennent. Hein, se recueillir, ils viennent se rassembler. Et c'est là qu'il y a la paix et la tranquillité, et la miséricorde. Et donc, il faut que la quête de la science, talabul ilm, ça se fasse dans les mosquées. Le cheikh ne dit pas dans les temples, al-mukhayyamat. Il y en a qui font les ikhwan en Arabie Saoudite, les chizbiyin, kudbiyin, en Arabie Saoudite, ils font ce qu'ils appellent les mukhayyamat. Comme des temples, ils amènent ça dans le désert, ils font un camp. Les petits camps là, pour les gens, hein. Et soi-disant, ils étudient là-bas dans les camps. Ils utilisent cette méthode pour éloigner les gens des ulama, les jeunes. Ils leur font des activités, des trucs comme ça, puis ils leur inculquent par la suite les notions des hizbiyyin, loin des ulama, loin de la population. Là, ils peuvent les brainwash comme il faut, hein. Mais c'est ça leur méthode, hein. Et vous voyez les ikhwan. C'est très rare qu'ils font des activités dans les mosquées. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est étrange, franchement, je ne sais pas pourquoi. Ils se concentrent surtout dans des endroits autres que dans les mosquées. Hein? Parce que beaucoup de gens parmi ceux qui participent à leurs activités, c'est des gens qui ne fréquentent jamais la mosquée. J'ai vu dans certaines conférences de certains chizbiyins, de certains ikhwan qui donnent des conférences, ils ont filmé ça, ils ont filmé la conférence, et ils ont montré la salle. Et quand tu regardes la salle, tu peux pas savoir est-ce que c'est une conférence islamique ou une conférence d'un juif ou d'un chrétien. Tout le monde est là-bas, les hommes mélangés avec les femmes, les femmes pas de hijab, des hommes, hein, habillés, d'une façon, tu dis, est-ce que c'est des musulmans ou des chrétiens, tu peux pas savoir. Que ce sont des juifs, tu ne peux pas savoir, tout le monde est mélangé. Hein? Et donc, tu dis, subhanallah, C'est pour ça, parce qu'ils disent, même il y en a certains parmi eux qui disent, on ne veut pas faire les activités dans les mosquées parce que les gens ont peur de venir à la mosquée, ou bien ils ne se sentent pas bien à la mosquée, donc on veut faire les activités à l'extérieur de la mosquée. Le cheikh, il dit, la quête de la science doit être faite à la mosquée, et non dans les endroits comme les tentes, ou les pique-niques, ou des trucs comme ça, ou les endroits, l'estirahat, les endroits pour se reposer à l'extérieur de, comme dans des parcs ou des choses comme ça. Il dit, il n'y a pas de problème de le faire s'il y a une assise ou il y a une assemblée scientifique, les gens se réunissent à un endroit spécifique pour étudier comme une école, pour étudier la science de l'islam ou des choses de ce genre. Ça, c'est correct. Mais, le meilleur endroit, c'est la mosquée. Hein? Peu importe l'endroit où tu vas faire tes cours, que ce soit à l'université ou ailleurs, hein, dans des écoles, pour étudier le Coran, pour étudier l'islam, c'est correct. Mais, elle n'a pas le même mérite que la quête de la science que tu fais dans la mosquée. C'est la meilleure place pour étudier l'islam. Ok? Donc, le cheikh, il dit la mosquée, c'est meilleur. Et, il dit, s'il y a un cours qui est organisé, et qui se donne ailleurs, il n'y a pas de problème, tu peux y aller quand même. Mais tu dois savoir que la mosquée c'est meilleur. Et donc il dit ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a personne qui se réunit dans des maisons parmi les maisons d'Allah, c'est-à-dire les mosquées, qui récitent le livre d'Allah. Il dit, يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ يَقْرَؤُونَ وَيَتَعَلَّمُونَ قِرَاءَتَهُ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ وَيَحْفَظُونَهُ لأنه هو أصل العلم ويتدارسونه بينهم يفهمون معانيه وليس المقصود الحفظ فقط وإنما تحفظ القرآن وتتقنه بالقراءات العشر لا ليس المقصود الحفظ فقط وأنك تحفظ القرآن وتتقنه بالقراءات العشر لا هذا وسيلة ولكن ليس هو المقصود هذا وسيلة وليس هو المقصود والمطلوب أنك تتفهم وتفقه معانيه وتعمل به أولا تقرأه ثانيا تفهمه ثالثا تعمل به للشيخ الزي donc il y a personne qui se réunit dans une des maisons parmi les maisons d'Allah et qui récite le livre d'Allah, c'est-à-dire ils le récitent, ils l'apprennent, ils le récitent d'une manière qui est correcte, selon les règles, ils le mémorisent également. Pourquoi? Parce que c'est la base de la science. Le Coran, c'est la base de la science. وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ C'est-à-dire, ils l'étudient entre eux. Ils se le font étudier ensemble. Ils essaient de comprendre la signification de ce Coran. C'est pas juste le but de le mémoriser seulement. Hein? Il y a des gens qui pensent que c'est ça le ilm. Subhanallah. C'est-à-dire, c'est pas mauvais de mémoriser le Coran. Alhamdulillah, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de bien. Al-hifz, la mémorisation. Mais c'est pas le ilm. C'est-à-dire, le ilm, c'est de comprendre cette révélation-là. De comprendre ce Coran. Qu'est-ce que ça signifie, les versets? Hein, d'avoir la compréhension des textes du Coran et de la Sunna, c'est ça l'important. C'est pas juste de les mémoriser seulement. Il y en a qui les mémorisent avec les différentes récitations, les 10 qira'at, warsh, hafs et les autres. Et ben c'est ça. Ils pensent que ça c'est l'ilm. Il y en a qui vont par exemple dans des écoles, ils se concentrent que sur le hafs. Et quand ils reviennent, ils vont diriger la prière dans le Tarawih et des choses comme ça. C'est bien. Mais ils ne connaissent rien d'autre de l'islam. Ils n'ont pas de fiqh, ils n'ont pas de compréhension, ils n'ont pas de ilm. Ils ne connaissent rien dans l'aqida, ils ne connaissent rien dans le tafsir, ils ne connaissent rien dans le fiqh, ils ne connaissent rien dans l'usul. Hein? Et ça, c'est grave. L'ilm, l'amal, mais le fiqh, la compréhension de ce ilm. Avoir le ilm, c'est bon, mais la compréhension, c'est ça l'objectif. C'est ça qui est voulu par cette science. Que tu la comprennes, que tu saches qu'est-ce que ça signifie. Donc, de comprendre les significations. comme Allah SWT, il parle des juifs, hein, des gens qui ont, qui récitent, mais qui sont des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils disent. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. Ils connaissent, il y en a parmi eux, il y en a des gens qui sont illettrés parmi les juifs, ils ne connaissent pas le livre excepté, ils font juste répéter les mots, mais ils ne savent pas ce que ça signifie. Hein? Ils n'ont aucune compréhension. Et Allah SWT dit « كَمَثَلُ الْشِمَارِ يَشْمَلُ أَسْفَارَ » C'est comme des ânes qui transportent des livres. Mais il peut transporter sur son dos les plus grands livres de science, hein, mais il ne peut pas en profiter, c'est un âne. Hein. Et ben c'est comme ça, il y en a qui sont comme ça, malheureusement. Donc ça, c'est la caractéristique des juifs. Il y en a malheureusement qui sont de cette façon-là. Donc le cheikh, il dit, premièrement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois comprendre les significations de ce Coran et l'appliquer, cette signification-là. Donc, premièrement, tu le lis. Deuxièmement, tu le comprends. Et troisièmement, tu l'appliques. Hein? Et donc, l'application de ce Coran, le Cheikh dit, Al-amalu bil Qur'an huwa al-matloub. Walakin hifzahu wa tajwidahu wa tafahuma ma'anihi wa tafsirahu ala al-wajh al-sahih. هذه وسائل العمل بالقرآن الكريم. Le Cheikh il dit, l'application du Coran, c'est ça ce qui est voulu, c'est ça l'objectif, c'est ça ce qu'on recherche. Mais également, le Cheikh il dit, c'est le fait de, par exemple, de le mémoriser, de le réciter avec le tajwid, connaître les règles de tajwid, et de le réciter avec une belle voix, une belle récitation, de chercher à comprendre les significations, le tafsir de la façon correcte, etc. Ça, c'est des moyens qui nous amènent à l'appliquer ce Coran. C'est des wasa'il, des moyens pour arriver à l'appliquer. Ensuite, le Cheikh il dit, إلا نزلت عليهم السكينة الهدوء والطمأنينة والراحة. Le Cheikh il dit, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, excepté que lorsqu'ils se réunissent pour réciter le Coran et pour l'étudier entre eux dans les maisons d'Allah, Allah fait descendre sur eux As-Sakina. Ça, c'est la première chose parmi les quatre qui sont mentionnées dans le hadith par rapport à ceux qui se réunissent pour étudier la science. Comme ce qu'on est en train de faire ici, Inch'Allah. On espère qu'on ait une part de ça, de ce qui est mentionné dans ce hadith-là. Et on demande à Allah qu'il nous donne le tawfiq. Donc, il dit, excepté que Allah fait descendre sur eux As-Sakina. As-Sakina, c'est quoi? C'est le calme, la tranquillité, la sérénité, le repos. Hein? وحفتهم الملائكة. وقوله وحفتهم الملائكة. الملائكة تؤيد المؤمنين. تنزل على طلبة العلم وتؤيدهم وتدفع عنهم الشياطين وتنزل على المجاهدين في سبيل الله وتسدد وتسددهم وتشجعهم على القتال وتنفر عنهم العدو فهي تنزل على المؤمنين في مواطن الجهاد وفي مواطن العمل الصالح وتساعد المسلمين وتعينهم وحفتهم الملائكة يعني أحاطت بهم فلا ينفذ إليهم شر ولا أحد شر ولا أحد. Donc le Cheikh explique, il dit, excepté que les anges, après la sakina, il y a les anges qui les entourent. Les anges aident les croyants et ils descendent sur les gens qui cherchent la science pour les aider, pour les supporter et pour repousser d'eux les shayatins. Et donc ils descendent sur les gens qui cherchent la science et ils descendent également sur les gens qui font le djihad et qui luttent dans le chemin d'Allah pour les renforcer, pour leur donner du courage dans le combat et pour faire fuir leurs ennemis. Donc ils descendent sur les croyants dans les moments de djihad ou dans les endroits où ils font des bonnes œuvres pour aider les musulmans, pour aider les musulmans à faire le bien, hein, et pour les encourager. Les anges ils viennent et ils les entourent pour empêcher tout mal de les atteindre ou toute personne qui voudrait leur faire du mal. وذكرهم الله في من عنده أي في الملأ الأعلى فيذكرهم الله ذكر التشريف ويخبر بهم الملأ من الملائكة ويباهي بهم ملائكته فهذا يدل على فضل طلب العلم ووجوب إعطائه كثيرا من الوقت والعناية فمن كان يريد هذه المزية فليعطي من وقته ومن جهده لطلب العلم على أهل العلم وفي بيوت الله عز وجل ويعمر بيوت الله بطلب العلم لشيخ الذي حفتهم الملائكة ensuite et Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne auprès de ceux qui sont près de lui il les mentionne aux anges c'est-à-dire que dans les assemblées et dans les autres assemblées là où les anges se réunissent Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ces personnes-là qui se réunissent dans les mosquées pour se rappeler d'Allah et pour étudier la religion et le livre d'Allah Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne pourquoi? Il les mentionne pour les faire honneur pour les honorer pour dire regardez un tel regardez un tel parmi mes serviteurs. Regardez mes serviteurs qui sont en train de s'asseoir pour étudier leur religion, pour se rappeler de mon livre, ma parole. Et donc, Allah, il est en train d'honorer ces gens-là. Et il informe ceux qui sont auprès de lui, parmi les anges. Il leur montre ses serviteurs, il montre à ses anges c'est ces individus-là qui se réunissent dans les mosquées et ils leur montrent par fierté, pour leur montrer, regardez, mes serviteurs, qu'est-ce qu'ils font. Regardez qu'est-ce qu'ils sont en train de mémoriser comme science. Regardez comment ils sont en train d'essayer de faire des efforts pour acquérir cette connaissance de la religion. Et ça nous indique quoi? Ça nous indique le mérite de faire la quête de la science. Et l'obligation de donner à la quête du savoir de l'islam une grande partie de notre temps et de notre occupation, yani de mettre beaucoup d'efforts et d'attention dans la quête de la science de l'islam, parce que c'est fondamental. Et aujourd'hui, malheureusement, et en particulier ici à Montréal, les gens sont loin de la science. Les gens ils font pas des efforts pour faire la quête de la science de l'islam. Ils font des efforts pour n'importe quelle autre chose futile de la dunya, mais pour la quête de la science de l'islam, ils font très peu d'efforts. Ils font très peu d'efforts. Ils se laissent distraire par toutes sortes d'activités de la vie. Et donc, celui qui ne fait pas d'efforts, il n'aura pas de résultat. Il n'a pas de science. Celui qui ne fait pas l'effort pour essayer d'étudier, pour essayer d'apprendre, pas juste quand on vient au dars, mais même aussi à l'extérieur, à la maison, ou quand on est seul, ou quand on est avec d'autres frères, d'essayer de mémoriser, d'essayer d'apprendre le Coran, d'essayer d'apprendre les hadiths, d'essayer de comprendre, de lire un livre, d'essayer de l'étudier, d'essayer d'augmenter la connaissance de la langue arabe, de prendre des cours d'arabe avec les frères, puis d'être assidu, puis d'être sérieux dans les cours de langue arabe, parce que souvent on commence un dars et puis les frères ils viennent deux, trois cours, après ils viennent plus, tu vois, et ils font pas d'efforts pour apprendre l'arabe. Si tu dis aux frères, pour travailler dans ce job, il faut parler anglais, il faut être bilingue. Si le frère ne parle pas anglais, il va faire des efforts pour apprendre l'anglais. Et même si on lui demande, il faut que tu parles français, il va faire des efforts pour apprendre le français. Il y a des gens qui mettent leurs enfants dans des écoles, et ils ne sont pas francophones, ils les mettent dans les écoles francophones pour qu'ils apprennent le français, d'autres dans les écoles anglaises pour qu'ils apprennent l'anglais. Et ils disent, ça c'est comme ça que mes enfants vont avoir un futur, un bon avenir, ils vont avoir un bon travail parce qu'ils vont parler ces langues-là. Et bien la langue du Coran, elle n'a pas importance, elle n'est pas plus importante que ces autres langues. Parmi les langues des Koufars, qui ont colonisé les pays musulmans puis qui nous ont imposé cette langue-là par la force souvent, et que maintenant on est en train de la parler comme si c'était un honneur et une fierté, Allahu musta'an. Donc c'est ça le problème de beaucoup d'entre nous. On a mis nos priorités ailleurs que dans les choses qui sont vraiment prioritaires. Et on a mis l'importance sur des choses qui ne sont pas aussi importantes. Hein? Et donc c'est pour ça qu'on est égaré. Et maintenant aujourd'hui il y en a qui disent, mais c'est important d'apprendre ces choses-là, de connaître la science, de connaître des choses comme ça. Oui, c'est important, mais ce n'est pas important pour tout le monde. C'est important pour une partie des musulmans, pour une partie de la population, pour qu'ils connaissent ces choses-là, pour aider la Oumma. Mais eux, ils veulent en faire une obligation comme si c'est celle qui est la plus importante, et ils veulent s'élever au-dessus des autres à cause de ces, avec ces sciences-là, et rabaisser la science du Coran et de la Sunna, et les mettre, mettre les ulama de l'islam en bas. Donc le cheikh, il dit, hein, que la science de l'islam, il faut lui donner du temps, il faut lui donner, hein, beaucoup de notre attention, notre préoccupation, il faut se préoccuper de cette science-là. Et celui, hein, le cheikh il dit, celui qui veut avoir ce privilège, cette particularité, alors qu'il donne du temps et qu'il fasse des efforts dans la quête de la science de l'islam, hein, avec les savants de l'islam, dans les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il fréquente les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant la quête de la science. Maintenant, regardez maintenant à Montréal, combien de gens assistent aux cours pour les douloureuses qu'on donne. Ça, c'est juste un exemple. Oui, les gens, où est-ce qu'ils sont, hein, dans d'autres choses. Maintenant, je veux dire, il y a le frère Mohamed qui donne des cours. C'est beau s'il y a deux ou trois frères qui restent. Hein, en grande partie, souvent, il y a presque personne qui reste. Tu vois, je me souviens, à l'autre mosquée, tu vois quand, par exemple, le dars allait commencer, les gens ils viennent pour la prière de Maghreb, la mosquée est pleine. Quand la prière est finie, l'ancien imam il commençait son dars, hein, Cheikh Ahmed, quand il commençait son dars, tout le monde se lève. On dirait ils ont peur, ils s'enfuient. C'est comme s'ils ont vu un lion ou quelque chose comme ça, ils ne veulent pas rester. Hein, ils se dépêchent pour sortir de la mosquée. Parce que le dars commence. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Est-ce qu'ils ont des occupations importantes à faire? Ils vont aller s'asseoir dans le café et parler juste de Maghreb jusqu'à l'Isha. Rien faire. Écouter le match de foot ou faire d'autres trucs futiles. Hein? Alors qu'ils pouvaient se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la quête de cette science, c'est pourquoi? C'est pour l'utiliser soi-même et pour l'enseigner aux autres après. C'est pas juste pour dire, je suis là, j'écoute. Hein, j'apprends, j'entends, et puis après je vais aller dehors, je me sens mieux maintenant. Non, c'est pas comme ça. Tu apprends, c'est pour apprendre, pour comprendre et pour transmettre. Pour expliquer aux autres qu'est-ce que tu as appris par la suite, pour l'appliquer pour toi-même et pour l'expliquer aux autres. C'est ça le but. Et il faut être précis et méticuleux et essayer de te référer à des choses et de bien les connaître et de bien les comprendre pour les transmettre correctement. Pas de répéter les choses n'importe comment. Ah oui, des fois, tu vois des frères, ils disent, ah, j'ai entendu telle chose. Ah oui? De quel livre? Ah, je sais pas. C'est qui le cheikh? Ah, je sais pas. Subhanallah. Tu sais pas le livre, tu sais pas le cheikh, tu sais rien. Tu dis, j'ai entendu, mais t'es pas certain. Mais qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que t'as mémorisé? T'as rien mémorisé, subhanallah. Donc ça, c'est pas sérieux. Franchement, des fois, je me dis ça, quand je vais en France, il y a beaucoup de jeunes, ils sont très motivés, ils font beaucoup d'efforts, hein. Et puis, il y a des séminaires, les frères, ils vont d'une ville à l'autre. Il y en a qui se promènent partout, ils vont, dans tous les séminaires, ils vont essayer de profiter d'acquérir un peu de science. Il y en a d'autres il y a des frères qui donnent des douloureux dans différentes mosquées. Il y en a qui sont assidus, qui viennent régulièrement, qui assistent et qui apprennent. Alhamdulillah, ça c'est bien. Mais il faut être persévérant. Quelqu'un qui n'est pas persévérant, il ne va rien acquérir dans cette science. Après le cheikh il dit, donc tu dois faire des efforts. Après le cheikh il dit, قوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه العبرة بالعمل لا بالنسب لو كنت من أشرف الناس من قريش من بني هاشم أشرف بني آدم لكنك لم توفق للعمل لم ينفعك النسب أم فهذا أبو لهب في جهنم وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا بلال عبد حبشي وهو من سادات السابقين الأولين. فالعبرة بالعمل لا بالنسب، فمن اتكل على نسبه فإنه يقعد مع الخالفين، ومن عمل صالحا صار مع المتقدمين. فالعبرة بالعمل لا بالنسب. الشيخ الزي comme le professeur Hassan a dit, celui qui se base sur son nasab, il veut se baser sur ses origines, ses liens de parenté, et qui laisse tomber les actions, qui ne se dépêche pas à faire les actions, alors il dit ça n'a aucune importance. Le nasab, c'est pas ça l'important. Même si tu es parmi les plus nobles parmi les hommes, tu fais partie de Quraysh, tu es de la tribu de Hashim, tu es parmi les plus nobles parmi les fils d'Adam, mais tu n'as pas fait les œuvres, alors ça va ne te servir à rien. Et regardez Abu Lahab, il est dans l'enfer, c'est l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez Bilal, un esclave de l'Éthiopie, et il est parmi les chefs, les maîtres, parmi les ceux qui ont précédé dans la foi dans l'islam. Donc, l'important c'est quoi? L'important c'est l'action, et non pas le lien de parenté ou l'origine que tu peux avoir. Et celui qui se base juste sur son origine, ses liens de parenté, d'où il vient, il dit moi je suis de tel pays, telle origine, ça va rien faire pour toi au jour de la résurrection. Tu vas rester avec ceux qui sont restés derrière, mais celui qui fait des bonnes œuvres, il fait des actions, il va aller avec ceux qui ont précédé, qui sont en avant. Donc l'important c'est l'action, et non pas les liens de parenté que tu peux avoir, et non pas qui est-ce qui était ton père ou ton grand-père. Tu dis ah mon grand-père il était un grand cheikh, mon grand-père c'était un grand imam dans la ville, très respecté, tout le monde l'aimait, mais toi t'es quoi? C'est ça l'important. Après le cheikh il dit wa qawluhu man dabta bihi yani akhkharahu 'amaluhu 'an al-khayr lam yusri' bihi nasabuhu fa anta لن تدخل الجنة بالنسب ولو كنت من أشرف الناس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنما تدخل الجنة بالعمل ولو كنت من أقل الناس نسبا ولو كنت من العجم فإن العمل الصالح يدخلك الجنة فلا يجوز التفاخر بالأنساب والأحساب ويظن أنها تنفع عند الله عز وجل. لشيخ الزي donc celui qui a retardé ses actions l'ont retardé de faire le bien, il n'a pas fait le bien avec ses actions, il s'est juste basé sur ses liens de parenté et son origine, il dit moi je suis de tel peuple, de telle origine, je suis de telle tribu, de tel pays, je suis meilleur, et il ne fait pas les œuvres, ça va servir à rien pour lui au jour de la résurrection, même s'il est parmi les plus nobles, qu'il a un statut social très élevé, il fait partie de telle famille parmi les plus nobles de son pays, ça ne veut rien dire s'il n'a pas fait les bonnes œuvres. Tu ne vas pas rentrer dans le paradis juste parce que tu es dans tel pays ou parce que tu as telle origine. C'est pas ça qui va te faire rentrer au paradis. Qu'est-ce qui va te faire rentrer au paradis? C'est tes actions. Qu'est-ce que tu as fait comme action? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire rentrer au paradis celui qui a même le plus bas parmi les hommes, même s'il a le statut le plus bas parmi tous les êtres humains, même s'il n'a pas, par exemple, de noblesse, un statut de noblesse et tout. Il fait partie des gens les plus pauvres, les moins respectés de la société, mais du moment qu'il a fait le bien, qu'il a craint Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a respecté les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va entrer au paradis. Même si tu fais partie des gens qui sont pas arabes, il y en a qui pensent que si t'es arabe tu rentres au paradis, si t'es pas arabe tu rentres pas au paradis. Ça c'est le djihad. Ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam c'est pas une religion pour les arabes seulement, c'est une religion pour l'humanité, pour tous les êtres humains, arabes et non arabes. Donc, si t'es un mu'min, t'as cru en Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, même si t'es chinois, t'es musulman. Tu pratiques l'islam, t'es un musulman. Et tu peux rentrer au paradis plus qu'un arabe qui ne croit pas en Allah. L'arabe qui ne croit pas en Allah, ou qui est chrétien, ou qui est juif, ou qui est communiste ou athée, ne rentre pas au paradis, même s'il est arabe. hein, même s'il peut lire le Coran du début jusqu'à la fin, par cœur, il n'a pas cru en l'islam, il ne rentre pas au paradis. Hein. Celui qui rentre au paradis, c'est le mu'min, même si c'est un nom arabe, un chinois, un grec, un italien, un français, un canadien, un québécois, un haïtien, peu importe. Il est mu'min, hein. C'est ça qui ouvre la porte pour le paradis. C'est les bonnes œuvres et l'iman ou l'amal salih. C'est ça qui te fait rentrer au paradis. Donc, on n'a pas le droit de s'enfler de fierté par rapport à notre origine, de dire c'est ça qui est, nous on est de telle origine, hein, c'est pas ça qui va te sauver ou qui va te servir de quoi que ce soit au jour de la résurrection devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, tout ça, ça, c'est des points importants qu'on a appris aujourd'hui dans ce hadith. Et donc, inshallah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le tawfiq et de nous aider à appliquer les caractéristiques qui sont mentionnées dans ce hadith, hein, et d'être les meilleurs musulmans. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.